Ouais, donc j'étais en train de regarder le... Enfin, j'étais sur Factor News, hein, tu vois, parce que c'est un Ouais, site que j'aime bien. Tu sais, moi, je fréquente pas tous les sites d'actualité news, machin, mais voilà, Factor, j'aime bien. Et là, je viens de croiser justement l'un des derniers trailers promotionnels de c'est du jeu de David Cage, là, Beyond Two Souls. Ah, c'est bien ça. Oui, enfin bon, après, il reste quand même à prouver, hein, le mec. J'ai beaucoup de respect pour lui, mais en fait, ce qui. Bon, après, on sait très bien qu'on est parti le voir aussi dans son espèce de masterclass, etc. Tu vois, donc je sais à peu près ce qu'il vise, mais quand Oui. je vois les trailers actuellement, donc je trouve étrange et pour moi dangereux qu'il parle énormément et qu'il mette beaucoup en avant Ellen Page, William Dafoe, et qu'il parle justement de l'histoire. Et qu'en plus, on te présente ça comme une histoire sur 12 heures, tu vois, pleine de passion, pleine de tension, etc. Et je me dis, le mec comprend-il, hein, enfin après qu'on se dit lui, ça peut être Quantic Dream, ça peut être le service de communication de Quantic Dream, tu vois, de son studio, j'en sais rien. Oui, ouais. Mais je me dis, non, mais je me pose juste la question, est-ce qu'il comprend qu'aujourd'hui, premièrement, Ellen Page, personne ne la connaît, tu vois, William Dafoe, on connaissait il y a 10 ans, 15 ans. Et encore, pour les jeunes, c'est le mec qui se fait tuer dans Spider-Man, tu vois. Oui. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, premièrement, Ellen Page et William Dafoe ne sont pas déjà des méga stars absolues, d'accord? Enfin, premièrement. Et je dis, deuxième chose, on voit aujourd'hui que dans les séries télévisées, on retrouve des stars hein, du style Kevin Spacey, Kathy Bates, Dustin Hoffman, Glenn Close, tu vois, qui viennent faire des séries télévisées qui. Elles aussi, un peu comme le Beyond de Quantic Dream, peuvent durer 12 Ouais. heures, tu vois, et qui elles aussi sont extraordinairement bien écrites, etc. Tu vois, donc là, je pense en plus que si on devait faire une comparaison, peut-être que David Cage, en tout cas, qui a écrit pour l'instant, je crois, Fahrenheit et Heavy Rain, aurait peut-être du mal, tu vois, face à Vince Gilligan et à d'autres. Et en fait, Oui. le souci, ce n'est pas juste que ces deux choses qui existent. Coexistent hein, et des points communs, tu vois, parce que bon, c'est juste que aujourd'hui, j'ai l'impression que la génération de joueurs et le public, à mon avis, que vise David Cage, hein, ce sont des mecs qui sont aussi sérivores. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'aujourd'hui. Enfin, ça on en a aucune idée précise. Comment Enfin, ça, aucune idée précise? Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, tous les mecs que tu croises je vais disent. jouer à Beyond Two Souls et je ne suis Oui. pas Cerebor, tu Non, vois. non, non, non, je t'explique. Sérivore, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque mec que tu croises sur Internet ou sur ton compte ou sur machin, tu vois, a à la fois une Xbox 360, éventuellement une PS3 et peut-être une DS ou une 3DS, et en plus il regarde Game of Thrones, tu vois. Il a à la fois Ouais, pas tous, une pas forcément. PS3 Enfin, et moi, à la fois c'est pas. Enfin, moi, je vois pas trop il pas met trop le Breaking Bad. rapport. Enfin, Tu vois ce que t'as je le veux dire? droit d'aimer, t'as le droit d'aimer le tennis et je sais pas moi, et puis les jeux Oui, vidéo, tu vois. mais. J'ai l'impression, tu vois, que ça fait que c'est que comment dire, l'univers geek, on va dire, c'est étendu certes aux séries télévisées aussi, tu vois, c'est que on est à la fois jeux vidéo, c'est que voilà, on a à la fois ces jeux vidéo de prédilection et quelques connaissances dans ce domaine, et à la fois ces séries de prédilection, tu vois. Après Bah pour les autres écoute. trucs, je dis pas en termes de littérature ou de cinéma, c'est différent, tu vois. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que les séries ont pris une place importante, on va dire, dans la vie des jeunes adultes et ceux qu'on peut appeler geeks, hein, même si le terme est un peu galvaudé. Et je me dis, dès l'instant où tu vises, et c'est plus ou moins à mon avis ce que vise David Cage, hein, c'est se dire, je veux des gens, je vise, enfin, c'est pas que je l'imite vraiment, et je me moque pas de lui, mais le Oui. mec te dit, je vise un public qui a une ouverture d'esprit, tout ça, qui n'est pas juste intéressé par Call of Duty, par machin. Bah, je dis, ce public-là, c'est qu'il a peut-être déjà entre 20 et 35 ans, éventuellement, il est certainement composé d'hommes et de femmes, éventuellement. Donc à mon avis, ces mecs-là, s'ils ont vraiment cette sensibilité-là, s'ils cherchent vraiment ce genre d'aventure-là, ils sont déjà en train de mater Breaking Bad, Game of Thrones, House of Cards, The Wire, Écoute, éventuellement, bon, même si c'est un peu ok, vieux, tu vois. peut-être, moi Tu vois? je vais transformer ton argument dans l'autre Vas-y. sens, tu vois. Vas-y. S'il y a bien, enfin, si une personne aime les jeux Ouais. vidéo et elle aime les séries, s'il y a bien Ouais. une chose qui va, un jeu qui va rapprocher les deux, c'est bien Beyond Two Souls ou Heavy Rain ou ce que Oui. tu veux. Oui. D'accord? C'est le truc qui va se rapprocher le plus Ouais. possible de ce qu'ils attendent. Ouais. C'est Mais. comme les fans de foot. Alors moi, je suis un grand fan de foot. On en parlera peut-être tout à l'heure. Et j'adore le foot, mais Ouais. j'ai un profond, comment dire, désamour pour les jeux vidéo de foot, tu vois. Pour te dire que, ouais, il y a eu une époque où effectivement j'accrochais un petit peu. Maintenant, c'est un Ouais. peu moins vrai. Donc, pourquoi dissocier forcément les deux? C'est-à-dire que tu peux aimer les séries et les jeux vidéo, et aimer les jeux vidéo en série, tu vois ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense très sincèrement que Beyond Two Souls, je sais bien que David Cage va très certainement faire évoluer le gameplay, et je pense notamment à toutes les critiques que le studio avait reçues sur Heavy Rain, en disant « ouais, il y a trop de QTE, de machin, genre de choses », ok, je suis d'accord, et je crois effectivement qu'il va faire éventuellement et évoluer le gameplay vers quelque chose d'un peu plus nerveux. En tout cas, il supprime apparemment les QTE et on va dire que il n'a pas axé ses œuvres sur le gameplay. Il l'a dit, il redit 150 000 fois. Voilà. Exactement. Mais le problème, c'est que justement, si tu n'axes pas sur le gameplay, qu'est-ce qui reste? C'est que tu mets l'accent justement sur l'écriture des personnages, sur les twists, sur l'entournement de situation, sur la narration, sur tout. Et je me dis, sur ces trucs-là et ces mecs-là qu'on parlait de Cerevore, en fait, c'est trop comparable, tu vois. À part pour les expressions faciales en me disant, bon, tu comprends que c'est un jeu vidéo, mais je me dis, toutes ces questions de rythme, de machin, de maintenir l'intérêt du spectateur, sont tout aussi vraies pour David Cage, dans l'histoire qu'il veut raconter, que pour les créateurs de Breaking Bad. Tout à fait, mais il n'a jamais été question que David Cage était l'écrivain du... Voilà, comment ? Il n'a jamais été question que David Cage était un grand écrivain de scénarios de films ou quoi que ce soit. Il le fait modestement, on va dire, je pense. Mais il essaye d'écrire quelque chose qui lui tient à cœur, basé sur des expériences personnelles, tu le sais aussi bien que moi. Oui, ça, je sais. Voilà, mais en fait, la Beyond Two Souls, ça va parler donc de la mort d'un de ses proches. J'attends de voir ce que ça va donner. Mais c'est vrai qu'on était parti le voir à la masterclass, tout ça, tu vois. J'étais sorti en disant, tu sais, c'est un mec bien, tu sais, c'est un mec qui a l'air honnête. Je veux dire, moi j'ai joué à Heavy Rain, tout ça, le jeu est pas parfait non plus, voilà. Mais j'aime l'intention, j'aime l'idée, il n'y a pas de souci par rapport à ça, tu vois, je ne fais pas, même si je fréquente Factor News, je ne fais pas partie, je ne fais partie d'aucune cabale à l'encontre de David Cage. Mais ce que je veux dire, c'est que je crains finalement, c'est qu'à force de faire, en fait, je partais en plus de la promotion d'abord, pour dire à force de faire la promotion du jeu en disant regardez l'histoire, regardez les acteurs qu'on a, tout ça. Je me dis, n'importe quelle série aujourd'hui de HBO, de EMC, de Showtime, te le fait. Et en plus, avec de grands talents, avec des mecs qui ont 15 ans d'expérience et tout ça, tu vois, avec des acteurs extraordinaires. N'importe quel, je sais pas. Enfin bon, et je me dis, j'ai peur au final. Game of Thrones, à part le mec qui se fait zigouiller Game of Thrones, on a personne de connu, tu vois. Non, Game of Thrones, c'est un peu différent, tu vois. Enfin, je regarde pas vraiment, et même pas du tout Game of Thrones depuis la saison 1. Mais ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que j'ai peur finalement que Beyond Two Souls, les gens voient ça comme une, entre guillemets, et sans vouloir non plus faire de procès, tu vois, le voient en fait comme une mauvaise série, au final, en se disant, c'est vrai que c'est moins bien qu'une série, parce que, effectivement, éventuellement, je préfère aller regarder The Shield ou j'en sais rien, tu vois, et se dire, en fait, à force de trop te rapprocher, ben, tu te frottes peut-être, en fait, à trop fort pour toi. Non, je comprends ce que tu veux dire, mais là on n'est pas dans le même contexte. On est dans un contexte de, ça reste quand même malgré les apparences, ça reste un jeu vidéo, d'accord. Ouais, c'est-à-dire que c'est interactif dans une certaine mesure. Ouais. Et cette interactivité te permet donc lui, ce qu'il recherche avant tout, c'est de te lier à son personnage qui est joué par Ellen Page. Et c'est de te lier à cette personne, à ce personnage. En te faisant vivre ses expériences depuis son enfance jusqu'à son âge adulte, à travers de divers moments clés, on va dire, et de te faire ressentir, on va dire, de la familiarité, ce que tu ne vas pas avoir avec une série, enfin aussi une série, tu vas avoir des épisodes, mais c'est rarement, non mais ce que je veux dire, c'est rarement sur une longue période d'une vie d'une personne, donc tu n'as pas toute cette historique, on va dire, à moins qu'il y ait des flashbacks ou quoi que ce soit. Non, mais par exemple, un truc. Et surtout, tu ne diriges pas la personne dans la série, ce qui est l'inverse dans. Bah, justement, c'est exactement ce que tu dis. Et je trouve que ce que tu dis, en fait, est très important. Et moi, après, moi, je parlais juste du marketing. En fait, c'est juste que je voyais les vidéos et je me dis, les mecs essaient de me le vendre comme si c'était la nouvelle série de HBO. Mais j'entends bien que la nouvelle série de HBO ou de AMC ou de Showtime, on va dire que ça peut y prétendre, mais va être absolument craqué. Ça reste, tu vois. On va dire que c'est pas, peut-être pas HBO, mais ça va être Orange Cinéma Series, tu vois. Mais ça reste assez honorable, on va dire, dans l'intention, et je pense que ils peuvent faire un truc très bien. Hein. Et c'est pour ça que je me demandais pourquoi est-ce qu'ils ne font pas la promotion plutôt sur l'interactivité. Vraiment, en disant, bah voilà, on peut faire ça, faire ça, parce faire que, ça. Parce que justement, tu n'es pas axé sur le gameplay, justement. Page, c'est mec, exactement on a ça. C'est Kevin Spacey, quoi. Avec David Fincher. Ce n'est, tout, le jeu n'est pas axé sur le gameplay. Le jeu est axé sur l'histoire, sur les personnages. Et ouais, mais t'as pas des choix dans l'histoire. Comment ? T'as pas des choix dans cette histoire de bien tout ça. Ça, personnellement, je me suis pas plus renseigné que ça et je ne sais pas si on. Justement, si on devrait le savoir. Le jeu sort dans un mois. Donc, si on sait même pas aujourd'hui qui. Justement, je ne veux pas me spoiler volontairement. Oui, mais même moi qui cherche à me spoiler, je ne sais pas. Tu vois, on d'accord. Que c'est, donc c'est que le secret est bien gardé, ou alors il n'y a pas de choix, tout simplement. Ouais, mais ce serait. Ou chaud, alors la question n'a pas été posée par nos éminents journalistes. Non. C'est pas une question de question. Après, je n'en sais rien parce que là. Moi, je suis pas en train de te dire machin, je suis pas mieux renseigné que ça. Mais je veux dire, espérons que t'es comme. Enfin, je dis espérons pour lui, hein, que t'aies des choix, que ça soit pas juste une histoire où à un moment tu bouges une lupiote lumineuse, tu vois. Je ne sais pas, honnêtement, je ne sais pas. Mais. Il doit y avoir une forme de choix après. Je ne sais pas si tu vas avoir des fins alternatives à la Ivy Rain ou. Ouais. Tu vois ce que je veux dire, ce genre de choix-là, faire du choix pour faire du choix, c'est pas. Moi, ça m'intéresse pas. C'est pour comme on a déjà évoqué ensemble le quoi dans Walking Dead. Ah, le fameux. Ouais. Donc, ok, il y a des choix. Donc, tu choisis de sauver la vie à un tel ou un tel. Sauf que bon, derrière, il se passe exactement pareil. Tu vois, c'est juste que la personne est remplacée. Ouais, bon, après, on me dit qu'il y a des choix différents parce que voilà, tu vas dire une phrase à la fille et pas une autre et que ça va influer sur ce qu'elle pense de toi. Mais honnêtement, je ne l'ai absolument pas ressenti en ayant fait. Divers cheminements du jeu, je vois pas l'intérêt de faire des choix pour faire des choix. Mais en tout cas, après, j'espère que Quantic Dream sait ce qu'il fait, et dans tous les cas, je n'en aurais pas à assumer les conséquences, hein, si le jeu était même juste un échec commercial, hein, je parle pas vraiment des qualités du jeu même. Ça sera, et bon, après, faut, je sais faudra pas. Faudra l'analyser, si échec commercial, il faudra l'analyser, il sort dans une période, entre. Entre GTA V et les prochains Call of Duty, Assassin's Creed et les nouvelles consoles même, donc je sais pas si c'est la meilleure période pour cartonner pour un jeu. Ce sera aussi la meilleure excuse, tu vois. Ce sera aussi une très bonne excuse, mais je ne pense pas que ce soit un jeu qui ait besoin d'excuses. On le verra, soit il sera de grande qualité et tout le monde le reconnaît, enfin tout le monde, ça sera unanime. On le reconnaîtra, et soit il sera pas bon, tout simplement, et ce sera dit, et on n'aura pas besoin d'excuses pour dire, voilà. Mais il peut être très bon, et ne pas bien marcher commercialement, ça s'est déjà vu, et ça se verra encore, je suppose. Mais bon, tu vois, ma remarque était quand même là aussi pour essayer de protéger, entre guillemets, hein, Quantic Dream, après, j'espère qu'ils sont pros, j'espère qu'ils ont un service de communication pro, mais j'espère aussi que David Cage... éventuellement, même si je ne sais pas exactement quelle pression il peut mettre, mais n'essaie pas trop de se faire passer pour une espèce d'auteur ou j'en sais rien, en disant c'est ça qui le branche tout simplement, faut pas chercher plus loin. Mais ce que je veux dire, c'est que t'as les intentions du mec et après t'as le marketing, tu vois. C'est que j'ai vu la dernière vidéo de Beyond trailer promo là, ça, tu vois, j'ai vu ça et je me suis dit, mais le mec il croit qu'on est encore en 94, tu vois, tu sais, en 94 quand t'avais Wing Commander 3. Que tu mettais Mark Hamill, c'est un événement. Parce qu'en face, t'avais le rebelle avec Lorenzo Lamas, tu vois. Donc, effectivement, c'est le match. C'est ça. Quand t'avais, Christopher Lloyd dans Toonstruck, c'était aussi un événement. Parce qu'effectivement, pouvoir voir Christopher Lloyd pendant 6 heures ou 10 heures de suite, parler 10 heures de suite, Christopher Lloyd, hein, qui est le mec de. Qui veut la peau, qui est le méchant de Qui veut la peau de Roger Rabbit et le Futur. Exactement, le Doc de Retour vers le Futur. Donc, c'était un événement, tu vois. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, tu peux avoir Dustin Hoffman pendant 12 heures, tu peux avoir Kevin Spacey pendant 12 heures, tu peux avoir Robin Wright pendant 12 heures, tu vois. Qu'est-ce que... Mais ça, c'est relativement récent, ce que tu cites. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut le comprendre quand tu fais ton marketing, tu vois. Et c'est pour ça que je dis que t'as les intentions de l'auteur, et t'as le marketing derrière, qui doit aussi comprendre quel est le marché, tu vois, et si possible... Sûrement que c'est... Je sais pas combien de temps il faut pour monter un projet comme ça, pour une série... Et en parallèle pour un jeu, je suppose que les deux projets ont dû commencer à peu près en même temps. Donc on va dire que c'est pas un argument à opposer en disant est-ce que t'essayes pas de te frotter à plus fort, parce que depuis le temps, tout le monde ne savait pas forcément qu'une série HBO allait commencer avec Kevin Spacey, tu vois. Mais ça fait 10 ans que les séries commencent à mettre la pression. Alors vas-y, cite-moi des grands acteurs qui ont. Est-ce que Bruce Willis a joué dans une série à part Friends, il a joué dans 3 épisodes, tu vois. Non, mais bon, quand on dit. Tu vois ce que je veux dire, c'est récent, c'est relativement récent. On peut pas dire c'est un argument pour en disant tu vois ce qu'il y a en face. Ce que je veux dire, c'est que t'essaies de jouer les gros bras. J'ai plus l'impression que ce soit un argument de poids. C'est ça que je veux dire, c'est que le marketing en fait insiste sur Ellen Page, alors que déjà premièrement personne connaît Ellen Page de X-Men. Et de ce moment, les gens se disent, mais c'est qui Ellen Page? Je vais te répondre à ça tout de suite, c'est très simple. Ellen Page, ok, moi je ne connaissais pas parce que je ne m'intéresse pas au cinéma de manière générale. Ouais, mais même les gens qui s'intéressent au cinéma, ils vont la reconnaître parce qu'elle a joué dans X-Men, parce que... Si tu montres la photo de l'actrice, les gens font, ah, oui, voilà, d'accord. Ça fait quand même un moment qu'elle est dans le circuit. Maintenant, le nom en lui-même n'est pas forcément parlant pour les gens, du moins pas en France ou en tout. Je pense qu'aux États-Unis, ça doit être relativement connu, peut-être même en Angleterre. Mmh. William Dafoe, c'est pareil. Enfin, le nom va pas dire grand-chose. Non, grand bon, chose lui, à une gueule comme les Ron Perlman, tout ça. C'est des acteurs. En revanche, son visage, je crois que c'est un des plus connus du cinéma, tu vois. Exactement. C'est un visage qui marque parce qu'il a des traits très très spéciaux. C'est vrai. Maintenant, quel jeu aujourd'hui peut se targuer d'avoir deux stars de cinéma? Mais arrête! Le problème, c'est qu'en 94, t'avais Christopher Lloyd, t'avais Michael York, t'avais Mark Hamill, John Rhys-Davies, Tom Wilson, Malcolm McDowell. Je te répète la question. Quel jeu aujourd'hui peut se targuer? D'accord? Là, on parle d'un truc il y a plus de 15 ans. Tu me parles de 94. Oui. Là, je te parle aujourd'hui. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu ça. Que les choses ont changé. C'est maintenant les mecs qui modélisent. Et ensuite, ils te mettent la voix de Tricia Elfiger, je sais pas quoi, là. C'est tellement évident. C'est que. Ils mettent la voix, c'est tout. Hein. David Cage veut se rapprocher le plus possible du cinéma. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend des acteurs de cinéma. Il n'y a pas plus simple que ça. Enfin, il n'y a pas plus évident. De ce truc-là et se dire éventuellement, merde, j'ai réussi à faire virer Ellen Page qui. Objectivement, est une star qui monte. Ça, je vais pas mentir. Hein. C'est pas que tout le monde la connaît pas forcément. Voilà, c'est quand même une star qui monte. Ça, y a pas de souci là-dessus. Donc effectivement, mais est-ce qu'il est pas prisonnier un peu de sang en disant, certes, j'ai fait venir Ellen Page. Hein. Tu vois, maintenant, je suis obligé d'en parler parce que elle aurait largement pu faire autre chose. Tu vois, okay. Peut-être que dans le contrat, il y a marqué bon, si vous ne parlez pas au moins 30 fois de Ellen Page par heure, tu vois. Le contrat devient machin. Je me dis, c'est peut-être laissé enfermé. Maintenant. N'oublie pas, enfin je ne sais pas si tu t'en souviens, il l'avait dit, à partir du moment où j'ai posé le crayon sur le papier et commencé à écrire le personnage, j'ai tout de suite pensé, et je n'ai pensé que à Ellen Page pour le personnage. Ouais. Et il a réussi à avoir la personne qu'il désirait avoir. Bah oui, tu accordes à ce genre de choses. Elle est canadienne, tu vois. Est-ce que tu penses qu'il est honnête Non, il n'y a pas de souci par rapport à l'honnêteté. Mais l'histoire est vraiment écrite pour elle, quoi. C'est très spécifique. Y a pas de souci. C'est pour ça qu'à mon avis, ça peut être une bonne réussite aussi, tu vois. Ne parlez pas 24 heures sur 24 de Ellen Page. Je te disais en termes de. Pour sauver le jeu, hein, pour le prendre aussi, tu vois. Je dis juste, parler de l'interaction, parler des trucs comme ça. D'accord. Quand les mecs vont voir le jeu, ils vont certes reconnaître Ellen Page, mais qu'ils vont voir derrière qu'il y a l'écriture de David Cage, ils vont peut-être dire, bon, je vais. Tu vois, ça vaut même pas le quart d'une série Showtime, tu vois. Et là, c'est la débâcle. Donc il vaut mieux en fait, les joueurs ont des attentes par rapport à la promotion. D'accord, mais voyons le problème sous un autre angle. On en parlait tout à l'heure, mais je suis David Cage, tu es Ellen Page, je t'appelle, voilà. Je t'en prie. Bonjour Ellen, viens, je suis en train de faire un jeu et tout. Oui, mais il faut d'abord que j'en parle avec mon agent, tu vois, ça marche pas comme ça. Donc tu prends une personne... Mais qu'est-ce qui t'arrive avec la voix là? Non. Tu m'as dit que j'étais Ellen Page, donc je ferai la voix d'Ellen Page. Ah, mais qu'est-ce qu'il est con. Non, tu m'as complètement perturbé. Donc, tu vois ça avec ton agent, c'est même plutôt l'agent que tu appelles d'abord, je sais pas comment ça fonctionne. Ouais. Et lui te dit, attends, il faut qu'on voit ça, les droits d'image, machin, on va pas te vendre que, voilà, on va te vendre Ellen Page, c'est d'accord pour le jeu, la prestation d'acteur, mais on va aussi te vendre l'image qu'elle va apporter à ton jeu, et ainsi de suite. Et donc là, tu vas commencer à monter à des clauses de contrat, de publicité, ce que tu veux. Peut-être qu'effectivement, ça doit faire partie d'une des clauses. Mais peut-être qu'il est coincé, tu vois. Engager en disant, si tu veux Ellen Page, tu fais ta promo autour d'Ellen Page. Ah, et on veut le nom Ellen Page en front sur la couverture. Ah, mais complètement. Et c'est peut-être le problème, tu vois. C'est très probablement ça d'ailleurs. Mais lui, je pense que ça ne l'a pas du tout gêné. Ah oui. Mais en tant qu'auteur. Ellen Page, ça cartonne. Personne ne peut faire ça. Personne n'a fait ça, en tout cas avant moi, sur cette génération-là. Et, enfin, bah, personne ne le veut non plus. Et je vais m'en, et je vais m'en targuer, et je suis super content parce qu'au final, je suis un petit réalisateur de jeux vidéo, enfin de films jeux vidéo. Mmh. Voilà. Bon, je, non, bah, pour moi, c'est vrai. Mais c'est vrai, effectivement, que la différence, et enfin, on pourrait parler de Quantic Dream ou de David Cage Touch, c'est que autant, par exemple, sur un jeu comme Mass Effect 2, tu peux avoir des stars comme Martin Sheen, comme Seth Green, il me semble, comme la blonde que j'ai citée, là, Tricia Helfer, ou je sais pas quoi. Mais effectivement, ce sont des stars qui vont juste être, tu sais, dans le côté un peu, enfin, tu sais, dans le bouff de promotion. Bon, après, ouais, Martin Sheen, c'est quand même Apocalypse Now, à la Maison Blanche, tout ça, quoi. Là. Donc, c'est quand même un mec qui a de la bouteille. Donc, on est très très content d'avoir David, Martin Sheen, pardon, qui fait des, qui fait une voix sur un jeu comme Mass Effect 2. Mais c'est vrai que la différence avec David Cage, c'est que on a l'impression, et dans la promotion, justement, telle qu'elle est tournée, et ça, je vais pas mentir dessus, c'est vrai qu'on a l'impression, limite, c'est que David, enfin, que Ellen Page, aime le jeu véritablement, tu vois. C'est oui, qu'elle est vraiment au cœur du projet réellement. Par le projet. Voilà, pas qu'elle a juste touché un bifton comme Tricia Helfer et. Je pense qu'elle croit vraiment au jeu. Enfin, elle a vraiment foi dans ce qu'elle a fait. Et apparemment, elle a délivré une performance d'actrice a priori et d'après David Cage. Bon, il peut pas dire l'inverse, mais. Non, mais elle est déjà très très bonne actrice. Hein. Elle est déjà très très bonne actrice. Il y a pas de souci. Donc je pense, voilà, je pense que ça peut être quelque chose de très bonne qualité. Tu vois. Peut-être, mais donc, peut-être, jamais peut-être vu, la montrer. Peut-être jamais vu dans le jeu vidéo. Si je ne sais pas, je sais pas ce que ça va donner, mais ça peut être super bien. Si je devais corriger le marketing, moi je ferais en sorte de montrer Ellen Page qui, tu sais, qui joue, enfin pas qui joue, parce qu'après c'est à l'idée de, voilà, qu'elle peut jouer elle-même encore une fois. Mais en tout cas, tu vois, moi je ferais un truc en disant Ellen Page sera à la Fnac des Halles. Tu vois ce que je veux dire ? C'est que tu la mets vraiment au centre du marketing et limite tu vois même plus David Cage, tu vois. Et là, tu m'aurais fait ça, j'aurais dit ah ouais, tu vois. Mais bon, après, je dis ça, on verra, et on verra même le succès, hein, parce que moi, Quand les films d'Ellen Page sortent à la Fnac, tu crois qu'elle se pointe à la Fnac des Halles, faire des dédicaces sur les DVD. Non, mais là, pour marquer le coup, tu vois. Oui, bien voilà, sûr. Ellen Page à la Fnac des Halles, de 16h à 17h, tu vois. Raymond Domenech va aussi dédicacer son livre, ça t'intéresse pas ? Ouais, bah, pourquoi pas. Mais bon, après, moi, je ne pensais qu'au succès du jeu et de mettre le jeu dans les meilleures dispositions possibles. Hein. Maintenant, je ne connais pas le résultat. Bien sûr, j'ai joué à Heavy Rain, donc j'ai l'impression que David Cage a quelques limites. Maintenant, éventuellement, peut-il repousser ses limites avec Beyond Two Souls sur un autre histoire. Je pense qu'il cherche à s'améliorer avant tout. Maintenant, c'est vraiment, enfin, Quantic, c'est un des rares studios qui est full backup par Sony et qui avoir carte blanche sur tout ce qui est créativité. Et je pense qu'il en profite. Tout simplement, il se dit voilà, attends, on me donne de l'argent, on me laisse faire ce que je veux, j'ai pas de limites, j'ai pas trop de contraintes. Alors, je ne sais pas. Après, il y a peut-être sûrement des trucs, mais on n'en entend pas parler, ce qui est normal. Après tout, on arrive en donne de l'argent, on dit voilà, magie, tu fais ce que tu veux à 95%, les 5% qui restent, c'est si, ça. Je vois pas le problème. Et enfin, on te permet donc de réaliser un peu tes ambitions. C'est tout bonnement exceptionnel, c'est bien. C'est vachement bien. Mais bon en tout cas. Tant que ça arrive, voilà. Je pense que. Enfin, après, je pense que tous les deux, on souhaite quand même le succès de Beyond et que ce soit vraiment le meilleur produit possible. Moi, je souhaite le succès de tout le monde, de tous ceux qui veulent créer quelque chose, on va dire, d'un peu novateur, d'un peu intéressant. Tu vois. En sortant un peu des sentiers battus, tu vois. Voilà. À commencer par les indies. On va se bouffer un kebab en. Ouais, on fait comme ça, mais c'est toi qui fais le compte rendu du 0-0 dégueulasse de l'équipe de France, arguments. T'es où là ? T'es dispo ou pas là ? Oui, je suis dispo, j'arrive. Bon, ben, j'arrive tout de suite. On se rejoint, tu vois ? Oh, on se rejoint comme d'habitude là en bas là. You know, ever since I arrived in New York,